dragonflies appear. Dragonflies appear. Venez, venez, venez entrer, venez voir ce que la nature a fait de pire. Venez voir Patrick, l'homme sans couilles. Venez voir Thomas, l'homme à trois jambes. Venez voir Mika, l'enfant à tête de crabe. Car ce soir dans Exo 7, c'est une spéciale freak show. Vous l'aurez compris, une spéciale monstre. Monstre réel, monstre de foire. Et puisque bon, Exo 7, c'est un petit peu ça aussi. On est un petit peu les barnums du 21e siècle. On vient vous montrer de l'étrange, du bizarre chaque vendredi, du décal. Ça va, Mika? Je crois que tu l'as surrecyclé, ton rire de sorcière. Bon. Ah, je le fais super bien. Ah, ah oui, c'est. Ouais. On la gardera pour la spéciale sorcière. Là, c'est ouais. Bon. Et alors, donc, ce soir, on va parler du vrai Barnum et on va parler de vrais monstres de foire, puisque Barnum, c'est un petit peu le Jean-Luc Delarue finalement. C'est un peu de la mytho. Du 19e siècle. Bon, aujourd'hui, on a Jean-Luc Delarue qui nous propose des gens atteints du syndrome de la Tourette ou des gens avec des maladies orphelines ou quelques déformités. Eh bien, à l'époque, au 19e siècle, c'était Barnum, le grand Barnum, qui faisait office donc de montreur de monstres et de chantre du spectaculaire. Oui, Mika. Les vrais monstres, c'était quand même dans C'est mon choix. Aussi, c'est vrai. Mais d'ailleurs, qui produisait C'est mon choix? Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Alors, Barnum s'appelait Phineas Taylor. Phineas Taylor Barnum est né dans le Connecticut en 1810. Il a grandi dans une famille pauvre, ce qui lui a sûrement donné envie par la suite donc de faire de l'argent. Donc il a grandi dans une famille assez pauvre, mais il faisait preuve d'un vrai talent pour manipuler les gens. C'était un menteur, un bonimenteur, un manipulateur et autres synonymes menteurs. Et puis c'était le genre de gars à user de psychologie. Donc c'était le genre de gars qu'on trouverait sur le téléachat aujourd'hui. Éventuellement, mais avec un vrai génie, puisque donc il portait ce talent-là, si on peut appeler ça un talent, jusqu'au génie, cet homme-là, puisque donc c'est ce qui a fait son succès et sa fortune. Et il rencontra sa vocation dans les années 30, donc il n'était pas tout jeune en fait quand il a commencé à se lancer dans le spectacle comme ça et dans le cirque, puisqu'il rencontre sa vocation dans les années 30 quand il entend parler d'une femme nommée Joyce S. Et cette femme, c'est une vieille noire monstrueuse qui est exposée dans une foire à Philadelphie. Donc ça c'est bien le truc glauque à souhait, un malsain comme on peut se l'imaginer. Oui, parce qu'il faut voir que, enfin, Barnum, même s'il a été un des plus gros éléments de cette démonstration de monstre de foire, puisqu'il y a contribué largement, ça n'a pas été le premier. Depuis longtemps, il y a des créatures, entre guillemets, qui sont exposées comme ça au public. Voilà, ça, depuis que l'homme... Donc il a trouvé le filon. Il s'est dit, moi, je vais en faire un gros truc et je vais faire quasiment que ça. Absolument, mais c'est vrai que le fait de montrer des humains difformes, bon, ça a fait le fond de commerce des salauds dès le Moyen-Âge et puis bien avant, quoi. Depuis que l'homme est homme et depuis qu'il a eu la possibilité d'exposer ses frères humains mal formés pour gagner de l'argent, il l'a fait. Et c'est vrai que Barnum a élevé ça, donc, au rang de spectacle grandiose et international. Et donc, cette vieille femme, dont Joyce S., qui est donc une vieille noire monstrueuse, est exposée dans une foire à Philadelphie. Et elle était réputée pour avoir plus de 160 ans. Normal. Voilà. Alors, Barnum, en entend parler, il va la voir, il l'achète, $1000. Il l'achète. Combien? Bon, à l'époque, les noirs, c'était comme des animaux. On était pas loin de... Et puis, elle était bien d'occasion, 160 ans. Voilà, 160 ans, elle était plus cotée. Elle était plus cotée à l'Argus. Et donc, on était encore dans l'esclavage, quoi. Voilà, donc, il l'a acheté $1000. Et il l'a amené à New York pour la montrer. Et donc là, elle lui a rapporté $1500 par semaine. Donc il est vite rentré dans ses sous quand même. Et il a pris goût, hein. Et puis quand elle mourut, cette femme, au bout d'une année de tournée qui l'éprouva, l'autopsie révéla qu'elle n'avait pas plus de 80 ans. Hein. Oh. Et donc ça, c'est le premier canular d'une longue série, puisque Barnum a bâti sa fortune aussi sur le canular. Il a menti énormément. Et la plupart du temps, les attractions qu'il vendait comme les attractions les plus fabuleuses que la Terre ait portées, c'était très souvent du bidon, très clairement. Et là, collons-lui une fausse trompe. C'est l'homme éléphant. Et on n'est pas loin de ça. Vous allez le voir par la suite. Et donc cette femme, donc qui fut son premier monstre de foire, donc eh bien, elle n'avait pas plus de 80 ans alors qu'elle était censée être âgée de plus de 160 ans. Et en 1841, avec l'aide de l'investisseur Francis Olmsted, Barnum achète le Scudder's American Museum qui se trouve sur Broadway. Et il le renomme en Barnum American Museum. Alors il fait une pub démesurée dans New York. Il y a de la pub de partout parce que c'était avant tout un homme de pub. Il avait compris que tout était là, tout était dans la com. Donc il fait une pub énorme dans New York et il promet les curiosités les plus étranges et les plus exotiques de la planète. Et il faut reconnaître que la collection de son musée était assez incroyable, en tout cas pour l'époque, puisque il y avait des animaux exotiques comme des hippopotames. Et c'est vrai que des hippopotames à New York, ça surprenait le badaud à l'époque quand même. Il y avait des monstres humains tels que la femme à barbe et les frères siamois, en passant par les animaux savants, donc des petits chiens qui faisaient des tours, des petits chatons, et j'en passe et des meilleurs. Mais le musée brûla en 1865, et les seuls animaux sauvés furent le phoque savant. Le phoque savant a survécu au feu, ce qui est quand même assez étonnant. Il était dans l'eau. Putain, excellent, mais c'est sûrement ça. Ben ouais. Mais l'ours aussi a survécu, donc pourtant là voilà, et quelques singes. Alors Barnum construit un nouveau musée, mais il brûle à nouveau en 68, donc 3 ans plus tard. Ah, il a pas de chance. Et là encore, donc, c'est une hécatombe en vie animale, puisque toutes ces bêtes qu'il avait fait venir de par le monde périssent encore. Et les monstres humains aussi? Ah non, eux ils avaient le temps de se barrer, mais là, alors, c'était les animaux qui étaient morts. Est-ce qu'ils faisaient pas ça pour le faire disparaître des preuves, vu qu'ils faisaient des tas de montages? Alors je ne sais pas, non. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il ait lui-même sciemment brûlé par deux fois son musée. Il y avait sûrement par contre des jaloux, parce que bien évidemment, il a suscité des vocations. Bah ouais. Il y avait des mecs qui voulaient partir dans le même business que lui. Bah ouais. Donc c'est... ça, il suscitait des... J'imagine. Voilà, il suscitait des jaloux. Il faut savoir que ces attractions le mettaient le feu, quoi. Pour sûr. Oh là là. Alors en 1870, à 60 ans, il lance le Greatest Show on Earth, le plus grand spectacle de la planète. Et donc son cirque prend la route en 1871 avec le plus grand nombre de caravanes jamais vues dans un cirque et un chapiteau qui pouvait accueillir 10 000 personnes. Ah, ça claque. Alors parmi les attractions vedettes, on trouvait la sirène des Fidji, le géant, l'enfant à trois jambes, l'homme tronc ou encore Jumbo l'éléphant. Et beaucoup de showmen donc emboîtèrent le pas à Barnum, mais aucun n'avait son sens du sensationnel et aucun ne connut le même succès. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jalousie. Alors en 1907, après sa mort, les Ringling Bros rachètent le cirque Barnum et ils en firent la plus grande compagnie de cirque de tous les temps. Alors en 1941, puisque donc ça a duré, le Greatest Show nécessitait 4 trains pour être transporté et le chapiteau occupait 1 hectare, carrément, et il pouvait recevoir 12 000 personnes. Quand il est fort, quand même. Voilà, avec des poteaux de plus de 20 mètres de haut, c'est quand même du bon petit cirque, on peut le dire. Et en 1956, les taxes sur les transports augmentent, donc ce fut un petit peu la fin d'une ère, puisque plus question de faire du cirque itinérant. Et donc le cirque des Ringling Bros se produisait par la suite dans des bâtiments beaucoup plus réduits. Voilà. Alors, bien évidemment, toute la carrière de Barnum a été émaillée d'anecdotes toutes plus croustillantes et hallucinantes les unes que les autres. Alors, on va commencer par une petite anecdote qui montre un petit peu à quel point le bonhomme pouvait être nié parfois malgré son génie pour le mensonge et la manipulation. Alors à ses débuts, donc Barnum voyageait beaucoup à travers le pays, à travers le monde aussi pour chercher des curiosités, et un jour il achète 2 baleines blanches et il les renvoie 1500 km plus loin à New York dans son musée, et il les fait mettre en tout cas dans un aquarium d'eau douce. Les 2 baleines blanches. Bien, mais donc, déjà parce que il faut avoir l'aquarium pour foutre une baleine quand même. Bon, c'était pas des baleines énormissimes, hein, mais c'était des baleines. On va dire des petites baleines blanches. C'est déjà du beau morceau, quoi. Il les met dans un aquarium géant, bien sûr, d'eau douce, hein, et forcément, ça, comme les baleines sont mises dans la mer, elles meurent au bout de 2 jours. Et s'il les avait payées cher, c'est l'addition qui était salée. Excellent, excellent. Alors bien évidemment, on l'a vu, Barnum, il était du genre déterminé, malgré que son cirque est brûlé, il en a refait un autre, et bien là il a fait pareil, il a racheté 2 autres baleines, Barnum, mais le problème c'est que là, malgré le fait qu'il les ait mis cette fois-ci dans un aquarium tout aussi gros avec de l'eau salée, elles sont mortes au bout de quelques jours également. Alors il en a racheté 2 autres encore une fois, Barnum, parce qu'il était comme ça, Barnum. Il avait un filon. Et donc cette fois-ci, elles ont vécu assez longtemps pour suivre le show, et donc c'était quand même un show dans lequel on pouvait voir des baleines blanches, et à l'époque, déjà aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant. Moi je pensais même pas que c'était possible d'avoir des baleines en captivité, en fait. Moi j'en ai jamais vu des baleines blanches. Et ben voilà, Barnum avait des baleines blanches. Alors ensuite, un des plus gros canulars de l'histoire de Barnum, et qui restait un terme générique pour définir les canulars d'une manière générale, c'est la sirène des Fidji. Alors Barnum, en fait, a lancé une énorme rumeur. Il a demandé à un de ses associés de se faire passer pour un docteur, le docteur J. Griffin, et il lui a demandé donc d'aller expliquer un petit peu à la presse qu'il était issu d'un institut d'histoire naturelle de Londres et qu'il avait donc découvert une sirène, une authentique sirène. Donc l'associé a fait ce que Barnum lui avait demandé. Il a commencé à attirer la presse, il a donné plusieurs interviews. Et la rumeur a commencé à enfler. On disait donc qu'il y avait une sirène, là, une vraie sirène, comme on peut en voir dans les contes, et que Barnum en avait fait l'acquisition. Donc Barnum, il a commencé à surfer sur ce buzz, sur cette rumeur, et il a commencé à balancer un petit peu de partout des prospectus avec de belles sirènes, comme on peut se les représenter, donc des sirènes nues, hein, forcément, et de très très jolies sirènes. Ouais, les seins à l'air. Et donc le buzz a enflé, enflé, enflé, et les gens ne parlaient que de ça, la sirène de Barnum, la sirène de Barnum, jusqu'au moment où Barnum a finalement ouvert l'attraction. Et là, les gens s'y sont précipités par centaines, donc ça se passait à New York, par milliers même, il y avait des foules entières pour voir la fameuse sirène des Fidji. Et en fait, donc, la sirène des Fidji en question, c'était juste un mauvais corps de singe sur une queue de poisson ratatinée. Mais Barnum avait fait l'essentiel, il avait rameuté du peuple, c'est tout ce qui compte. Et en fait, les gens, bien sûr, étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à voir une sirène, mais ils ont juste vu, donc, un mauvais corps ratatiné. Alors, les gens n'ont pas su, bien sûr, que c'était un faux. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient affaire à quelque chose de miraculeux, et vu qu'il y avait quand même toute une rumeur légendaire autour, ils ont été séduits par l'attraction quand même, parce qu'ils avaient l'impression de voir quelque chose de légendaire, de miraculeux, une vraie sirène, mais elle était toute dégueulasse, leur sirène, puisque c'était un singe rabougri avec une mauvaise queue de poisson. Et une bonne fin. Et alors, ce qu'il faut savoir... Ça s'est pas fini en queue de poisson. Ah non, non, non. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que cette sirène des Fidji, elle a eu toute une histoire auparavant, puisque, en fait, c'est une forme d'art traditionnel japonais que d'assembler des singes avec des queues de poisson. Et il paraîtrait même qu'à l'époque, donc, c'était utilisé dans des rituels religieux aussi. Et donc, c'était un pêcheur japonais qui avait fait ce montage, qu'il avait vendu à un capitaine de marine, qu'il avait lui-même revendu, et tout ça était arrivé dans les mains de Barnum. Mais ils étaient morts. Pardon ? Ça vivait plus. Ah, la chose était morte. Ah oui, en plus, oui. Parce que le singe, il savait pas monter avec sa queue. Oui, la chose était morte. Et donc, Barnum, d'un objet, somme toute peu excitant, puisque encore une fois, voilà, c'était un art traditionnel japonais, il en a fait un événement. Et depuis, donc, la sirène des Fidji a donné son nom à ce genre de canular-là. Hein, quand on parle d'une chimère dans ce goût-là, on dit, ah, c'est une sirène des Fidji. Ah ouais, voilà. Genre, tu dis à ton pote, ce que tu m'as dit l'autre soir, c'est une sirène des Fidji. Exactement. D'accord. Je l'ai employé pas tous les jours, mais ouais. L'éléphant blanc sacré de Barnum. Alors Barnum voulait coiffer sur le poteau un de ses rivaux, qui s'appelait Adam Forpoff. Et donc il y en a eu beaucoup hein, que l'histoire a oublié, alors que Barnum évidemment lui il reste. Et donc il avait voulu acheter un éléphant albinos, un éléphant d'Asie albinos, et il en avait eu un pour $75,000. Il s'est dit avec ça, je vais niquer le Adam Forpoff. Il y avait du succès lui aussi à l'époque. C'est clair. Et donc, quand il a reçu cet animal, il était peint en rouge et bleu. Alors Barnum, il était bien emmerdé. Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez foutu? Et donc, Adam Forpoff, alors il en a profité pour montrer du doigt l'affaire et dire au public que Barnum les avait trompés, puisque c'était pas un éléphant blanc du tout, mais un éléphant rouge et bleu. Ce qui est quand même curieux. C'est quand même pas mal, mais c'était de la peinture, on est d'accord. Hein, qui cachait donc la particularité de cet éléphant qui était albinos. Et alors, Forpoff, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il a acheté un éléphant, lui, mais au lieu de chercher un éléphant blanc, il a juste repeint à la chaux. Hein, il a foutu une couche de chaud sur l'éléphant. Donc on trouvait albinos. Hein, voilà comment ça se passait. Et donc les gens étaient là sidérés de voir un éléphant blanc qui était donc juste un éléphant avec une couche de chaud par-dessus. Ils étaient cons les gens quand même. Ouais, ils étaient très cons. Et vous allez voir que c'est pas fini. Oh, à l'époque, à l'époque, les gens commençaient à apprendre qu'il y avait tout un tas de cultures étrangères exotiques qu'on leur avait cachées jusqu'à présent, ou plutôt qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de. Il paraît qu'il y a des hommes jeunes. Et voilà ce genre de choses, il y a des noirs intelligents, on leur disait des trucs comme ça, tout un tas de mythes, parce que c'était quand même une époque où les gens pensaient que les noirs, pour la plupart, les gens pensaient que les noirs étaient comme des animaux, ils les considéraient pas comme des humains à part entière, c'est un truc de barge, donc ils étaient très très crédules sur ce qu'on pouvait leur raconter à propos de ce qui se passait à l'extérieur des États-Unis et de l'Europe, et donc voilà, ils étaient prêts à tout gober. Alors ensuite, un des canulars les plus énormes de l'histoire, c'est l'histoire du géant de Cardiff, mais... Je vous le garde pour la suite. Remarquez d'abord une première petite pause. Il nous tient en haleine. Mais ouais, c'est de la panique, ça. Descendant de Barnum, il est très fort. La pause musicale, c'est du Tool. Le morceau, c'est 46 and 2. Restez sur Rage. Exocète. Le bizarre. L'inclassable. Le décalé. Sur Rage. Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir on parle de monstres, de Barnum, de cirque Barnum, de monstres de foire. Et donc, la suite. Avant qu'on balance Tool, qui seront d'ailleurs au passage en concert au mois de juin, c'est vrai, merci Tof qui me l'a rappelé, le 28 juin, donc si je ne m'abuse. En concert. À Bercy. Au Thor. Eh bien, non. Non. Avant de passer donc ce morceau, je vais vous parler du géant de Cardiff, qui est donc un des plus grands canulars de l'histoire de l'Amérique. Et oui. C'est et le géant donc de Cardiff est gardé encore aujourd'hui dans un musée. Et alors ça démarre en 1868 cette histoire. C'est un certain George Hull avec un H qui fit fabriquer une statue de 3,50 m qui représentait un géant en position d'agonie très réaliste. Avec beaucoup de détails, il y avait même les pores de la peau, hein, qui c'était vraiment très très très très bien foutu, qu'il avait fait avec une petite aiguille. Et donc il fait enterrer le géant donc derrière la ferme de son cousin William. Il était dingue. Et ils vieillissent d'ailleurs le géant avec de l'acide sulfurique, etc. Enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça semble être une sorte de fossile qui est là depuis des millénaires. Et un an plus tard, ils engagent deux ouvriers pour creuser un puits. Au-dessus du géant, comme par hasard. Ah, et bien sûr, je verrais bien un puits ici, moi. Et bien sûr. Et pourtant, c'est à 2 km de chez vous. Non, là, quand les mal. Hommes tombent sur le fossile géant. C'est dur, Marcel. L'affaire fait grand bruit. Hein, bien sûr, tout à coup, hop, ça se répand. Il y a un géant, là, enterré dans la ferme de William. Et, à deux pas de la maison. Et donc du coup des centaines de personnes donc viennent chaque jour pour voir le géant qui est donc une espèce de relique là qui est là, qui est allongée, qui fait 3,50 m et qui est recroquevillée avec la main sur le ventre comme si donc elle se tordait de douleur avant de mourir. Et Hull fait payer 50 cents la visite quand même. Et un jour un organisateur de spectacle nommé David Hanum rachète le géant $37,000. Et il expose à Syracuse où l'attraction rameute 3000 personnes par jour, donc ça devient énorme, on en parle de partout. Ouais. Non, parce que j'allais te demander, est-ce que lui il s'est fait enfler comme les autres, c'est-à-dire qu'il a cru vraiment acheter un vrai géant, ou il était au courant de la supercherie, il s'est dit moi je m'en fous, je vais pouvoir faire plus de pognon. De toute façon, s'il s'est fait entuber, il a fait une bonne affaire quand même. Quand il achète le géant, il est bien sûr convaincu que c'est un vrai géant. D'accord. Et d'ailleurs, la communauté scientifique est en émoi. Personne. Ah oui, ça va jusque-là, même les scientifiques. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est mais que. Mais il l'analyse pas alors pour le savoir. Alors. D'un côté, il y a des scientifiques qui pensent que c'est un fossile, effectivement, d'un géant qui vivait là il y a des millénaires. Et de l'autre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carbone 14, hein, pour savoir s'il était frais. Bon, voilà. Et de l'autre, il y a des religieux intégristes, je dirais, qui sont persuadés que ce géant était là, comme c'est écrit dans la Bible, hein, puisque dans la Bible, il est écrit qu'avant, donc, il y avait des géants, des hommes géants qui peuplaient la Terre. C'est écrit dans la Genèse, comme ça. Et donc, ils sont persuadés que c'est juste une preuve de ce qui est écrit dans la Bible. Donc tout le monde est d'accord sur le fait que ce géant, bah, voilà, il est réel, quoi. Personne ne se dit que c'est peut-être donc un canular. Putain, mais c'est un bon canular. Alors très très beau. Et alors donc Barnum arrive, hein, sur ses entrefaits, puisque ça pouvait pas rester très très longtemps. Hop, j'ai entendu qu'il y a un géant. Loin de ses oreilles, voilà. Barnum, dès qu'on parlait de géant, il était présent. Et donc il propose $50,000 pour le géant. Ah, il cache. Alors bien sûr, son offre est refusée. Et donc, du coup, Barnum, qui ne se démonte jamais, vous l'avez compris, il vole. Il fait tailler lui-même un géant. Eh ben, je vais en faire un. Et là, okay, avec son talent de manipulation des médias et des foules, il commence à raconter qu'il a le vrai géant et que David, un homme, expose un faux géant. Oh là là, il est bon. Alors, les gens croient Barnum, la presse croit Barnum. Et donc, du coup, les gens se précipitent pour voir son géant à lui, qui est donc bidon, bien sûr. Et David, il est en plastique. Ouais, c'est énorme. Et David Hanum l'attaque. Il attaque Barnum. C'est moi qui ai le vrai. J'ai le copyright sur le vrai. Mais alors, ce qui se passe, c'est que George Hull, qui est donc à l'origine du canular, finit par avouer toute la vérité. Il dit non, écoutez, arrêtez vos conneries, c'est moi qui ai enterré le géant il y a 2 ans. Et donc, du coup, Barnum n'est pas condamné, puisque les deux géants étaient faux. Donc il peut pas être condamné pour avoir contrefait un géant, puisque celui mais l'origine était faux. Il a pas continué à nier, dire ah toi t'as fait un faux, moi c'est vraiment le vrai. Ah non, une fois que l'autre a balancé que c'était bidon. Mais donc les deux géants en question qui sont en pierre sont conservés aujourd'hui dans des musées. Je vous balancerai bien sûr des photos sur le forum de Rage, rage.fr, rage.fr. Je pense que maintenant si on le regarde, on pense pas que c'est un vrai géant. Ah non, bien sûr que non. Mais c'est quand même drôle de regarder cette statue-là en sachant toute l'histoire qu'il y a pu y avoir autour, toute la légende qu'elle implique, puisque les gens pensaient vraiment que c'était un géant authentique. Et c'est vrai qu'il est très très bien foutu, mais donc voilà, c'est une statue et rien d'autre. Et ensuite, on a eu droit chez Barnum à Jumbo, le plus grand éléphant du monde. Alors, il l'a appelé Jumbo ? Oui. Et d'ailleurs, il a appelé Jumbo avant que Jumbo soit Jumbo, hein, avant que Wally. Parce qu'en fait, c'est Barnum qui a popularisé ce mot Jumbo. Puis ensuite, ça devenait un terme générique, comme un peu Kong pour les gorilles. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que Disney a récupéré après Jumbo. Et Tong pour les sandales. Et donc Barnum, il avait une particularité. Et d'ailleurs, un de ses biographes expliquait qu'après la mort de Barnum, les termes gigantesques, faramineux, grandiose, fabuleux, extraordinaire étaient vidés de leur sens puisque Barnum les employait à tort et à travers. Et donc là, il avait acheté un éléphant au zoo de Londres pour $10,000. C'était juste un éléphant normal, mais tout de suite pour Barnum, c'était le plus grand éléphant du monde. En fait, le mec, il disait un truc et tout le monde disait ah ouais putain c'est. Les gens suivaient parce qu'il avait un génie de manipulation et donc surtout il hésitait jamais. Il se disait pas les gens ne vont pas me croire. Non, au contraire, on faisait le plus possible pour que les gens se disent c'est pas possible de pas nous mentir. Et donc voilà, c'était le plus grand éléphant du monde et son. Je vois bien qu'il engage des fausses personnes qui sont passées pour des experts. Ah ouais, bah c'est oui, fou, bien quoi. Sûr, nous l'avons mesuré. C'est clair, c'était vraiment très très bien filtré son affaire. Et donc ça se passe en 1882 et son nouveau partenaire de l'époque, qui s'appelle donc James Anthony Bailey, achète cet éléphant avec lui. Et après 3 années de tournée. L'éléphant en question, Jumbo, meurt lors d'un déraillement du train. Le train sort de ses rails et Jumbo meurt. Et donc du coup, Barnum et Bailey ne se démontent pas, puisque donc il ne manquait pas ni de mauvais goût ni de cupidité. Ils achètent la veuve de Jumbo au même zoo qui s'appelle Alice et ils exposent dans leur spectacle la veuve de l'éléphant avec la veuve l'éléphant était devenu célèbre, donc ils exposent la veuve et à côté de la veuve ils exposent le squelette de Jumbo ainsi que sa peau empaillée. Voilà, et les gens venaient pour voir le squelette de Jumbo qui était devenu célèbre pour être le plus grand éléphant du monde, alors que non, c'était un éléphant normal sans doute avec sa veuve. Vraiment, la veuve, on s'en fout quoi. Ben c'est clair, mais tout était bon pour faire de la thune, et donc ils avaient le talent les deux là pour faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire dont on se foutait. Ils sont fous. Alors parmi les monstres célèbres qui ont donc peuplé le cirque de Barnum, il y avait notamment le Prince Randian qui venait de Guyane britannique, et il n'avait pas de membres du tout. Ce monsieur Randian. Aucun. C'était un homme tronc. Aucun. Je ne sais pas si celui-là y était, mais en tout cas, il n'avait pas de bras ni de jambes, c'était un homme larve. Et d'ailleurs, il est apparu dans le cultissime film Freaks de Todd Browning en 1932, dans lequel on voit beaucoup de vrais monstres, ce film qui est particulièrement effrayant. Et dans le film, donc, il y a une scène hallucinante où on voit donc Prince Randian qui roule une cigarette et qui l'allume tout seul, sans bras ni jambes. Donc c'est assez extraordinaire. Et il faisait plein de petits tours comme ça, et c'était devenu donc une vraie célébrité. Et regardez, j'arrive à ramper. Et donc Barnum l'a engagé en 1889, et il est très vite devenu célèbre à travers l'Amérique. Et il s'est marié, ce prince Randian, et il a eu 5 enfants, donc il avait quand même celui-là de membre, en tout cas. Il a eu 5 enfants, il est mort à l'âge de 63 ans, et donc voilà, c'est devenu une célébrité, mais c'est quand même assez ahurissant d'imaginer que cet homme-là s'est marié, a eu des enfants. Bah, comme quoi, on va y arriver nous aussi. Hein, Patrick, on te déprimait tout à l'heure. Bah oui, si un mec sans bras ni jambes peut y arriver, j'en peux y arriver, bordel. Alors ensuite, Zip the Pinhead s'appelait en réalité William Henry Johnson, et il est né dans une petite ville du New Jersey dans les années 1840, et il est engagé par Barnum en 1860. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait des monstres qui s'appelaient les microcéphales. Bon, il y en a toujours, hein, d'ailleurs, des microcéphales. Mais à l'époque, c'était assez populaire. On en voit d'ailleurs beaucoup dans Freaks, le film en question, là. Et donc, c'est juste des gens avec une très petite tête et des déficiences mentales, très souvent, avec l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Bah, le cerveau, il tient pas dans une petite tête. Enfin, voilà. Il est plus petit, forcément. Forcément. Et donc, une toute petite tête. Mais alors là, tu vas voir que, justement, ça contredit cette idée-là, puisque Zip avait la tête d'un microcéphale, c'est-à-dire la tête caractéristique avec une toute petite tête, un tout petit crâne et de larges mâchoires. Mais en réalité, donc, Zip n'était pas microcéphale parce qu'il avait une intelligence normale. Et c'était dans les mâchoires, son cerveau, lui. Sûrement. Et donc, Barnum présentait Zip comme le chaînon manquant, puisque, en fait, il a engagé Zip 3 mois après la parution de l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces. Donc, 3 mois après que Darwin ait apporté au monde la théorie de l'évolution, Barnum saisit la. Parce que tout était bon pour Barnum. Il est malin. Il grattait dès qu'il pouvait. Donc, il engage Zip et il fait passer pour le chaînon manquant entre donc le singe et nous. Et alors donc il est vraiment il me fait halluciner ce mec, je te jure que ah non, c'est un truc de barge. Plus tu aucun scrupule le Barnum. Et alors il habille Zip avec une peau de bête et il lui demande donc de se comporter comme un animal, donc de faire des petits grognements, de faire des petits tours, de se servir d'outils de manière maladroite. Mais ce qui est ouf en plus, c'est qu'il fait participer plein de gens à ses supercheries et qu'il n'y en ait pas un seul qui ait dit bah ouais, bah en fait le géant c'est moi qui l'ai taillé, c'est moi qui ai fait le costume du soi-disant chez nos membres. Ah, il devait être grassement payé. Le géant de Cardiff, c'est un cas particulier, mais sinon pour tout le reste, les gens n'avaient pas intérêt à raconter que c'était des canulars puisqu'ils en vivaient effectivement. Et donc Zip le premier, parce qu'il faut savoir que les monstres en question n'étaient pas maltraités comme on peut se l'imaginer, mais ils étaient payés, ça devenait des célébrités pour la plupart, ils étaient très heureux chez Barnum, et d'ailleurs ils n'auraient pas pu trouver de métier ailleurs que là. Et donc Zip, il était exposé avec une pauvre bête dans une cage, il était payé pour faire le singe, et il était très heureux de faire ça, Zip, et donc c'est devenu une des attractions les plus populaires du cirque, et il est resté avec le cirque jusqu'en 1926. Mais lui, le soir, il n'avait pas le droit d'aller au restaurant. Je ne vous ai pas vu tout à l'heure dans la cage. Et alors justement, ce qui est drôle, c'est que par la suite, un jour, donc, il se baladait près de la mer, et tout à coup, il voit une petite fille en train de se noyer, donc il plonge et il va la sauver, et c'est devenu, donc déjà qu'il avait la notoriété grâce à Barnum, c'est devenu un héros, on l'a considéré comme un héros qui avait sauvé une petite fille, tout ça, donc il était très populaire. Il était très populaire, et puis effectivement, même si au début des gens forcément étaient crédules et ont pu croire que c'était effectivement une sorte d'échelon manquant, après c'était des stars, ces gens-là à l'époque, c'était devenu une star, et donc les gens acceptaient finalement qu'il ait un nom de scène et un rôle, donc même s'il y avait quand même des gens crédules, il y en avait aussi qui savaient que c'était un acteur, et donc voilà, il avait une vraie célébrité, et donc voilà. Zip the Pinhead, donc ce qui veut dire la tête d'épingle. Alors ensuite, on passe à Cheng et Hang, qui sont probablement les deux monstres les plus connus de l'histoire du cirque Barnum, puisque donc c'est de ces deux frères-là que vient le terme frère siamois, puisque donc Cheng et Hang sont nés au Siam en 1800. Pourquoi j'allais le dire comme ça? Eh bien voilà, ils sont nés au Siam qui donc aujourd'hui s'appelle la Thaïlande, hein. Et d'ailleurs, PKO part en Thaïlande demain. PKO, l'animateur d'électrochoc, pour 2 semaines. Donc voilà. Et anciennement, en 1811, ça s'appelait le Siam. Donc, ces deux frères sont nés là. Et ils se sont fait découvrir, en 1829 par un certain Robert Hunter, qui était un commerçant. Et qui a commencé à les exposer dans une tournée mondiale. Et alors, la particularité de ces deux frères-là, c'est qu'ils étaient donc reliés par un morceau de cartilage au niveau du sternum. Donc, ils étaient reliés par le ventre, comme ça. Ouf. Et leur foie était fusionné, mais leur foie était développée complètement de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on aurait pu scinder ce foie fusionné en deux, on aurait pu couper ce morceau de cartilage, même à l'époque, c'est ça qui est dingue, parce que bon, évidemment aujourd'hui ça aurait été une broutille, mais même à l'époque, alors que bon, évidemment la chirurgie n'en était pas au même point qu'aujourd'hui, leur situation en tant que siamois était telle que on aurait pu les séparer, couper ce cartilage, couper ce foie, bon voilà. Apparemment, c'était jouable, mais ils n'ont pas été séparés. Ils n'ont pas voulu, en fait. Alors, au début, j'imagine qu'ils ne le savaient pas, et quand ils sont devenus célèbres, ils ne voulaient peut-être plus l'être, ouais, puisque donc c'est devenu des stars. Alors voilà. Ah, ça devait être chiant quand même d'avoir un frère. Alors, vous allez voir l'affaire. Donc, ce commerçant Robert Hunter les expose dans le monde entier, et une fois leur contrat terminé. Leur contrat donc qui a marché à merveille, donc il y a eu beaucoup de succès autour. Ah, c'était un CDD. c'était un CPE déjà. et donc ils commencent à faire leur business tout seuls, hein, ils s'exposent eux-mêmes. Donc ils font des tournées, venez nous voir, bon. En pleine rue. Et finalement en Amérique, ils rejoignent donc le cirque de Barnum, et en 1839, alors que le cirque se trouve à Wilkesboro en Caroline du Nord, les jumeaux s'attachent à la ville et ils décident de s'installer là. Ils n'étaient pas assez attachés. Très bon, mais donc il décide de s'attacher en plus donc dans cette ville, et il lâche donc le cirque Barnum, et donc il continue à tourner encore une fois par eux-mêmes, et ils deviennent donc des citoyens à part entière des États-Unis, se font naturaliser, et donc ils s'appellent Cheng et Hang Bunker. Ah, ils avaient deux pièces d'identité. Alors je ne sais pas ça, mais en tout cas voilà, ils prennent le nom de Bunker, et ils achètent une plantation, ils achètent des esclaves. ce qui est quand même dingue. Donc l'esclavage. Mais donc ils se sont, sont fait de la thune quand même, parce il fallait les moyens. Voilà, parce que c'est vrai que l'image qu'on peut avoir par rapport à ces montreurs de monstres, c'était que il les fouette, il les met dans des cages, brimés, enfermés, qui ne gagnent rien. C'est un peu comme des acteurs. Ouais, c'est un peu. Je pense que c'est un peu la faute. La faute. Moi, la c'est conséquence la d'Elephant Man, quoi. C'est clair. Ouais, moi, j'ai vu ça dans la petite maison à Paris. Et donc, j'avais eu peur. Mais oui. Et donc, voilà, c'était des acteurs finalement. Ils étaient payés. Et donc, ils achètent des esclaves, ce qui est bizarre. Moi, ça me choque un petit peu d'imaginer ces frères siamois qui viennent du Siam et qui achètent une plantation et des esclaves. Et donc, ils trouvent deux femmes. Oui. Ah, deux femmes, non. Arthur, le truc, au mois d'avril 1843, attachés par le dos. Alors qu'ils étaient devenus donc des membres très appréciés de la communauté. De la communauté, il trouve deux femmes. Alors Cheng se marie à Adélaïde Yates et Heng se marie à Sarah Ann Yates, donc sa sœur, mais pas sa sœur siamoise, sa sœur tout court. Et donc Cheng et sa femme ont eu 10 enfants. Mais attends, ils sont restés accrochés encore ? Oui. Et vous allez voir. Moi, alors, non, mais attends. Non, mais là, j'ai une explication parce que elle a eu 10 enfants. Oui. Étant attachée par le sternum, enfin, peut-être je suis pas fait comme les autres mecs, mais mon sexe est à part devant. Donc, forcément, comment faire des enfants alors que je suis collé avec. Alors, attends, c'est pas tout. Donc, Cheng a eu 10 enfants avec sa femme et Heng a eu 12 enfants avec la sienne. Heng a eu 12 enfants avec la sienne, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils ont eu 22 enfants. Ah, les gangbangs qu'ils ont dû se faire. Ils ont eu 22 enfants. Non, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment ça a pu se passer, puisqu'ils étaient donc collés par le ventre. Alors, tu peux fermer les yeux, s'il te plaît ? Imagine comment ça devait être. Arrête de regarder ! Comment ça devait être hardcore ? Mais ça devait être hardcore. Et surtout, pendant que l'un procréait l'autre, qu'est-ce qu'il faisait ? Non, mais attends, ils jouaient à la Game Boy. Ils filmaient. Tends-toi ! Attends, mais la femme, elle était obligée de rentrer, enfin, entre guillemets, par les pieds. Enfin, tu vois, tu fais une espèce de tête bêche, quoi. Alors, je vois que ça. Je vous montrerai la photo sur le forum. De la coupe le vent. Vous pourrez vous faire votre propre scénario. Alors, c'est vrai qu'ils étaient collés par le ventre, mais il y a quand même de l'espace. On peut imaginer, je sais pas, une levrette un petit peu acrobatique, et ça ne pouvait passer. En tout cas, ça s'est passé puisqu'ils ont eu 22 enfants. Non, mais moi, ce que. La fille, elle l'a quand même au cul pendant qu'elle est avec toi. Mais pour sûr. c'est évident. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'après, les deux femmes. Mon frère, te gêne pas. Les deux femmes ont voulu acheter des maisons séparées. Ce qui fait que. C'est un peu chiant. Elles avaient chacune le mari. Une semaine sur deux. En fait, tous les trois jours, quoi. Trois jours, ils allaient chez une des femmes. Bon chéri, je vais chez mon frère. Et les trois jours suivants, ils allaient chez l'autre femme. Et donc, les deux frères étaient donc bien sûr tout le temps collés. Et c'est ça qui est miraculeux. On peut se demander quel genre de vie est-ce qu'ils ont pu avoir. Et alors, le détail un petit peu glauque pour clore ce chapitre, c'est que donc Cheng et Heng sont morts le même jour. Heureusement. En 1874. Mais il y en a un qui est mort avant l'autre. Oh. Et on pense très sincèrement que celui qui a survécu est mort de peur en voyant son frère mort et en se disant qu'il allait y passer. Donc c'est un peu le détail glauque. Et d'ailleurs, on voit cette histoire dans un épisode de X-Files, de la saison 3 d'ailleurs. Et il parle de Cheng et Heng. Et donc cet épisode est relaté, un épisode un petit peu glauquissime. Voilà, un des deux frères meurt, l'autre se dit « Merde, je vais y passer ». Et donc il meurt de peur d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, le foie fusionné des deux frères a été préservé. Et il est conservé au Mutter Museum à Philadelphie. Voilà. Ah bah dis donc. Imagine, il y en avait un des deux qui sentait de la bouche. T'es pas dans la merde. mais pour toute leur vie, pour tout un tas de trucs, ça a dû être horrible. Ah, ça, c'est... Je pensais pas que pour ça regarder, avait existé, quoi. Pour regarder un truc devant toi, à part ton frère, tu vois rien. Ah, tu vois rien. Et ils ont eu 12 enfants. 22 enfants, mais ce qui est bien, c'est que tu peux voir derrière toi, par ton frère. Ouais, c'est clair que si tu marches en crabe, il y en a un qui peut regarder à gauche, l'autre à droite, et tu vois 360 degrés. Vous verrez donc les photos sur rage.fr. Alors, le général Tom Pouce fut un des personnages les plus célèbres du cirque Barnum, lui aussi, et un des plus adulés, puisqu'à son enterrement, il n'y avait pas moins de 10 000 personnes. Alors, voilà comment démarre l'histoire de ce général Tom Pouce en général. En réalité, il s'appelait Charles Sherwood Stratton, et il est né en 1938, dans le Connecticut. Et en 1842, donc, Barnum le découvre. Alors, Barnum était toujours sur les bons plans. On ne sait pas comment il faisait, mais il y était. Et donc, il découvre cet enfant, donc il y a 4 ans quand Barnum le découvre, et il mesure 64 cm, il pèse 6 kg. Alors, vous me direz, bon, pour un enfant de 4 ans, c'est pas extraordinaire non plus. Barnum, il a acheté, il a peut-être un peu misé trop vite, parce qu'il aurait pu grandir par la suite. Oui, c'est vrai, oui. Mais il n'a jamais grandi plus loin que 84 cm. Barnum avait misé juste. Moi, je faisais pas plus d'un mètre, je crois, quand j'avais 6 ans, quand j'entrais au CP. C'est que j'étais petit. Pour sûr. Mais là, en tout cas, le Barnum avait bien misé, puisque d'un pouce, n'a jamais dépassé 84 cm. Alors, Barnum, qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit un contrat avec les parents et il engage le petit nain de 4 ans. Puisque c'était donc un nain, ses parents étaient des adultes donc de taille normale, mais lui c'était un nain. Et donc les Stratton décident de déménager, de suivre Barnum, et Barnum leur propose des chambres à New York dans son musée. C'était l'époque où c'était pas encore le cirque itinérant, mais le musée de Barnum. Donc ils habitent au musée dans des chambres. Et le nom de Charles échangé, Barnum le baptise général Tom Pouce. Voilà, ce qui est assez glorieux pour un enfant. C'est vrai qu'il a des bonnes idées. Ouais. Ah oui, aucune race. Et alors Barnum l'éduque lui-même, il lui apprend à lire, il lui apprend à écrire, il lui apprend l'arithmétique, il lui apprend à danser, à faire des petits tours. Et la plupart des performances de ce général Tom Pouce consistaient donc à s'habiller comme des personnages historiques. Et un de ses tours les plus fameux, c'était quand il s'habillait en Napoléon. Forcément. Et c'était tout mignon. Voilà. Et les gens adoraient. Et en janvier 1844, Barnum part en Europe. Et il amène donc évidemment Tom Pouce comme attraction principale. Et en Europe, alors là c'est la folie, en Europe tout le monde se l'arrache, tout le monde veut voir Tom Pouce. Et en Angleterre, il est tellement populaire que la reine elle-même, la reine Victoria, demande par deux fois à voir Tom Pouce en personne. Et en 1863, en février, Tom tombe amoureux d'une jeune naine qui s'appelle Lavinia Warren. Il l'épouse, et alors là, Barnum, qui ne perd jamais une occasion de faire rentrer la thune, décide de faire une grosse OP commerciale là-dessus. Et le mariage a été en public, c'est ça ? Et alors oui, et quel public ? Donc, il baptise ce mariage comme une occasion à ne rater sous aucun prétexte. Il dit que c'est maintenant ou jamais. Vous ne verrez plus jamais un spectacle pareil, le mariage des deux. Et donc, l'événement est tellement énorme que au mariage, il y avait 2000 invités. 2000 personnes sont venues voir le mariage de Tom Pouce et de sa femme, alors que c'était jamais que des nains. Hein, c'était pas extraordinaire, je veux dire. On en voit régulièrement, finalement, quand on y réfléchit un petit peu. Peut-être que le gâteau, il était plus gros qu'eux. Peut-être aussi. Ou peut-être que c'est eux qui faisaient office de figurine au sommet du gâteau. On ne sait pas comment ça a pu se passer. Mais ce qui est certain, c'est que Barnum avait le sens du spectacle. Surtout qu'à l'époque, les nains, ça existait, quoi. Bien évidemment. Donc c'était le sens du spectacle qu'avait Barnum et qui a fait monter la sauce autour de ce Tom Pouce. Et donc voilà. Et Tom se retire donc du business et du cirque avec pas mal de thunes, hein, puisqu'il en a engrangé, beaucoup dans sa carrière. Il mène une vie peinard. Et il meurt en 1883. Et là, lors de ses funérailles, comme je vous le disais, il n'y a pas moins de 10 000 personnes, tellement c'était une star internationale. Donc voilà. Donc finalement, c'est vrai que 10 000 personnes pour regarder un trou de 60 cm. Eh bien, c'est du bon. Et c'est vrai qu'on peut se dire que finalement, bon, il a été exposé toute sa vie, mais il aurait pu difficilement rêver d'une meilleure carrière finalement, puisqu'il était riche, célèbre et adulé. Mais en fait, le problème de Barnum, je dirais, c'est qu'il a pas de respect pour la dignité humaine. Ouais, il a pas de race. Aucune race. Il a pas de respect pour la dignité humaine, mais cela dit, il respectait l'argent et il était pas, enfin, il a pas fait les choses que pour lui en fait, enfin si. Il s'est enrichi comme un gros porc, mais il a pas tout pris et maltraité. Oui, heureusement qu'il était gentil avec ses amis, quoi. Il a pas tout pris. Gentil entre guillemets, quoi. Il les exploitait, mais il leur donnait une contrepartie à cette exploitation. Mais peut-être qu'il leur demandait leur avis aussi. Alors ça, j'en sais rien. Ouais, mais c'est l'éternel débat. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, à une époque où il y avait des lancers de nains, il y avait des tas de nains qui disaient, oui, mais nous, c'est notre choix, on n'est pas contre, etc. Et il y a eu des tas de débats en disant, ouais, mais c'est atteinte à la dignité humaine, et tout ça. Même des gens qui étaient pas nains étaient contre. Et les nains gagnaient de l'argent comme ça. Bah ouais. Ils disaient, mais laissez-nous bosser. Mais c'est quand même un dilemme. C'est quand même un dilemme, c'est vrai. Pour sûr. Parce que tu peux pas décider pour les gens, mais en même temps, c'est vrai que au niveau de la dignité, c'est pas au top, quoi. Alors, avant de marquer une seconde pause, l'histoire de Jojo, l'enfant à la tête de chien. Alors, alors Jojo était aussi très très célèbre, une vraie star à l'époque. Et il est né Fedor Jevtichou, hein, Jojo. Il est pas né Jojo, faut le savoir. Et il habitait à Saint-Pétersbourg. Il est né à Saint-Pétersbourg. Et donc, au début, il faisait des tournées avec son père. Donc c'était son père, son propre montreur de monstres finalement. Et ça, c'est horrible. Voilà. Et donc le père est mort. Et donc Jojo, eh ben comme par hasard, eh ben il a fait un contrat avec Barnum. Comme par hasard, pourtant c'était à Saint-Pétersbourg, mais Barnum était dans la place. Mais en même temps, à mon avis, tu vois, il devait y avoir ce genre de monstre entre guillemets devait savoir que chez Barnum, ils allaient vivre dans une communauté où ils étaient tous différents. Et à mon avis, il devait avoir une certaine symbiose et il avait envie peut-être. Et peut-être que Barnum avait des espions de partout sur Terre. Ouais. Alors, Jojo, l'enfant à la tête de chien... Nous, on spécule et lui, il raconte... Eh ben oui, Jojo, l'enfant à la tête de chien, il était victime de l'hypertrichose. Hein, c'est une maladie qu'on appelle aussi le syndrome du loup-garou et qui est peut-être à l'origine d'ailleurs du mythe des loups-garous, puisque l'hypertrichose, donc, c'est donc une pilosité phénoménale. Comme sur ton torse. Il avait des poils de partout, mais vraiment partout, c'est-à-dire sur le visage de partout, il était noir de poils. Et donc, Barnum le présentait comme un chien. Mais même Barnum avait... Il avait imaginé tout un mythe autour de Jojo, comme il faisait d'ailleurs avec la plupart de ses monstres. Et donc là, Barnum expliquait... J'ai dû me battre avec une meute pour le rattraper. Ah, écoute un peu l'histoire. Donc il expliquait que... Il était élevé par des loups. Qu'un chasseur en Russie avait traqué Jojo et son, et son père dans une cave, qui les avait capturés, que le père avait été décrit comme sauvage et qu'il ne pouvait pas être apprivoisé, donc ils ont juste gardé le fils. Et donc Barnum insistait sur la ressemblance entre Jojo et un chien, et donc il avait même demandé, par contrat, donc, d'aboyer quand les gens venaient le voir. Donc Jojo aboyait et grognait. Apparemment, il était bon joueur, le Jojo, hein, il faisait ce qu'on lui demandait, mais il faut quand même savoir que Jojo, il parlait russe, allemand, anglais. Donc il était loin d'être con, mais son boulot consistait à aboyer. Souvent les chiens sont intelligents. Hein. et donc ils ont tourné en Europe et dans le monde. Et donc voilà, Jojo, l'enfant à la tête de chien, était une star, mais personne ne savait donc qu'il était intelligent, puisque les gens pensaient qu'il était juste foutu d'aboyer. C'est un petit peu l'ironie de la situation. Voilà pour les monstres du cirque Barnum. On va marquer donc une seconde pause avec And You Will Know Us by the Trail of Dead. Restez avec nous, on se retrouve juste après. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sauvage. Exocet, dernière partie. Donc, si vous nous rejoignez maintenant, vous allez avoir droit aux infos bizarres. Hein, suite, zapping du bizarre de la semaine des événements qui ont surgi aux quatre coins de la planète. Et ce soir, donc, l'émission que vous avez ratée, si vous nous rejoignez maintenant, c'était la spéciale Freak Show. Avec le cirque de Barnum et ses monstres, donc voilà. Mais donc, vous aurez ça en rediffusion mardi. Et si vous tombez matin. Maintenant, que vous êtes mardi matin, dommage. Oui, parce que là, il n'y aura pas une troisième, c'est bien triste. Bah, il vous reste les infos. Les Insolite. Infos, c'est d'ailleurs tout de suite. Et alors, ça, c'est très bon. La première se passe à Angers. Et alors, je ne sais pas. Je c'est insolite. Alors, la deuxième se passe à Katmandou. Alors, ah, donc, c'est très bon. Ça. Alors, Angers. Je ne sais pas si vous aviez vu cet épisode de Striptease, hein, la fameuse émission qui passe sur la 3, dans laquelle on voyait un vieux professeur qui avait cryogénisé sa femme. Il habitait dans un château, sa femme était dans un congélateur oui, avec un hublot. Exact, c'était un truc de ouf. Eh bien, l'info insolite qui va ouvrir, c'est qu'elle a décongelé ce soir, donc vous allez voir l'affaire. Donc, il se trouve que l'homme est mort lui aussi. Il est mort en 2002. Et les corps congelés du couple... Qui donc était congelé depuis 2002. La femme était congelée depuis 84 et l'homme, le professeur, était mort depuis 2002. Et c'est leur fils qui avait pris le relais donc. Et ils étaient congelés. Ils ont tous se congelé. Dans l'espoir d'un retour à la vie. Oui, mais ils ont finalement été incinérés par leur fils après une panne des réfrigérateurs. Au terme d'un combat de 22 ans qui a échoué à faire légaliser ce mode de sépulture, parce que donc le père se battait avec la justice pour avoir le droit de garder sa femme morte mais congelée dans son château, le fils a pris le relais et donc ça faisait 22 ans que le combat durait. Donc Rémi Martineau avait promis à son père de se battre jusqu'au bout pour conserver les corps dans des caissons à moins 65 degrés. Mais oui, quand t'as les moyens de faire construire une salle comme ça où tu te fais cryogéniser, t'as pas les moyens de mettre un petit appareil qui prend le relais quand il y a une coupure d'électricité pour éviter que je peux brancher mon rasoir. Ah non mais c'est le bad. J'irai directement à la lumière, on n'est pas passé. Papa est décongelé. Bon ben on crame. Faut savoir que c'est de la cryogénie roots, hein, je dirais, parce que c'est, si vous avez vu l'émission, c'est quand même un oui, vieux congélo. Attends, d'accord, mais attends, le mec c'est quand même. Je suis ok, mais attends, si je me souviens bien, parce que ça date ce reportage, le mec c'était quand même un châtelain, il vivait dans un confort assez important. C'était un châtelain, mais manifestement, donc ils avaient pas le fils, en tout cas n'avait pas la possibilité donc de conserver les réfrigérateurs à 65 degrés. Ouais, en plus, une fois que c'est décongelé, tu peux pas recongeler. Ah, c'est terminé. C'est plus bon après. Alors, le professeur en question, c'est un docteur en médecine, et il était chargé de cours à la faculté de médecine de Paris. Il s'appelait Raymond Martineau, cet homme, et il croyait que la cryobiologie permettrait un jour de redonner vie aux défunts. Donc, il avait fait construire sur mesure dans les années 70 un congélateur. Donc, le congélo daté des années 70. Il avait fait construire pour accueillir son corps à sa mort. Mais finalement, il l'avait déjà fait sur le corps de sa femme. Mais donc... Je prends tes mesurations. Au début, c'était pour lui, mais c'est son épouse, son épouse Monique, hein, qui est décédée en 84 pas et donc chance, qui prit place avant lui. Mais donc là aujourd'hui, donc tous les deux, parce que le frigo est tombé en panne, ben voilà, ils sont incinérés. Ah, peut-être qu'il était fait pour une personne, le frigo, c'est pour ça. Alors, moi je trouve ça trop con. Cette semaine, beaucoup de neige colorée. Hein, vous avez sûrement entendu cette semaine qu'en Corée, il a neigé de la neige jaune. Hein, du pastis. Voilà, du pastis. Ça, c'était Damien I. Hein, qui en parlait dans sa grande case de mardi, si vous aviez écouté. Il parlait de pastis qui aurait neigé sur la Corée, donc c'était faux, mais c'était quand même jaune. D'ailleurs, moi j'avais dit qu'il valait mieux du pastis que les glaçons. C'est bon, sûr, ça fait moins mal, et quoique. Et donc, c'était à cause d'une tempête de neige qui s'était mélangée à une tempête de sable, et ça avait donné de la neige jaune. Mais en Russie, c'est de la neige rouge hein, qui est tombée cette semaine. Un cyclone est passé au-dessus de la Mongolie, et en allant vers la Russie, ce cyclone a emporté des particules de sable. Et rouge et pas jaune. Et voilà. Et ça a donc donné de la neige rouge qui est tombée sur la Russie. Donc ça devait faire quand même son petit effet de la neige rouge. Ah, ça devait être mignon. Ah, ça devait être joli. Et donc voilà. Ça devait faire un peu faire peur. Des paysages vraiment trop bizarres. Tu vois, un paysage de neige déjà, c'est bizarre. Claire, mais un paysage neige de rouge. Neige rouge. Ah, on a l'impression d'être sur Mars. Et donc, dans la même semaine, de la neige jaune et de la neige rouge, c'est quand même bien vu. Moi, j'ai vu de la neige blanche une fois. Non. Si. Putain, j'aurais dû en faire une insolite. Alors, on a passé à Avignon en plus. Un pensionnaire autrichien, un petit enfoiré, je pense qu'on peut le dire comme ça. Appelons le petit enfoiré de la forêt. Un homme de 61 ans, non, il y a pire. Mais lui, il est quand même pas mal. Donc, 61 ans, un autrichien qui faisait semblant d'avoir des crises cardiaques. C'est quoi ça? Il faisait semblant d'avoir des crises cardiaques pour être donc hospitalisé. Et une fois dans l'hôpital, il en profitait pour taper dans le portefeuille de ses petits camarades invalides. Je croyais que t'allais dire pour taper les fesses de l'infirmière. C'est une possibilité, non, je m'attendais plus à celle-là aussi. Plus vicieux que ça. Donc une fois qu'il est arrivé dans l'hôpital, dans une chambre d'hôpital, hop, il se levait, comme un petit cardon, bien évidemment, puisque donc il faisait semblant d'être mal, et là, il allait taper dans les poches de ses petits convaincants qui, eux, étaient vraiment mal. Mais ça, c'est trop courant. Tu sais qu'à l'hôpital, il faut faire gaffe si vous allez à l'hôpital, parce qu'il faut rien laisser. Parce qu'il y a des vols de tout le temps. Il y a des voleurs à l'hôpital. Mais c'est rare que ce soit les patients eux-mêmes qui volent. Souvent les infirmières. Là, c'était le cas. Non. Attention. C'est les médecins. Non, c'est faux. On dit pas n'importe quoi. Respect total pour les infirmières. C'est la femme de ménage, j'ai vu. C'est vrai qu'il y a les pickpockets, des fois, qui viennent dans les hôpitaux pour voler. En même temps, c'est des cibles faciles, enfin, je veux dire. Voilà, mais c'est donc, que ça n'arrive. Ah, on peut pas se lever, hein. Tiens, regarde ton portefeuille. Au revoir. C'est vraiment dégueulasse. Et donc là, pour le coup, c'était donc un patient. Et ça n'arrive pas très souvent. Il a été surpris par une infirmière. Et donc, du coup, voilà. Alors, ensuite, on a un orchestre suédois. Un orchestre suédois qui joue dans des instruments de glace. Très, très joli. Glace rouge. Et donc là, il faisait un concert dans un igloo géant en Suède. Et c'est trop petit, tu l'offres aux lèvres. C'était la première fois qu'il se donnait en concert, ce groupe qui joue dans des instruments de glace. Et donc, tout s'est bien passé jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il joue allumer le feu. Et... non, jusqu'à ce que la flûte fonde. Car la flûte a fondu. Mais oui. Mais ça arrive au bout d'un moment. La flûte a fondu. Alors, la flûte, ce qui n'arrive pas souvent finalement dans des concerts. La flûte a fondu et donc voilà. Il est en forme quand il est fatigué. Ah oui. Ça a foutu le concert par terre forcément, puisque donc la flûtiste a soufflé trop chaud apparemment sur l'instrument. Bah, environ à 37 degrés à peu près. Voilà. Mais voilà, donc c'est la flûte qui a fondu et non pas la trompette. Alors là, running gag par rapport à disque dur, bref. Là, il faut suivre. Mais j'étais pas là, moi, merde, j'ai pas compris la blague. Ouais, c'était joli. Alors à Katmandou, au Népal, vous le savez, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé avant tout le monde. D'ailleurs, j'avais senti du gros là sur ce coup-là. le jeune Bouddha là qui médite depuis 10 mois. Hein. Ça faisait 10 mois qu'il méditait, donc dans la position du lotus, au pied d'un arbre, et donc sans manger, sans boire, ni quoi que ce soit. Alors voilà, ses proches, hein, soi-disant, sans manger, sans boire, effectivement, et donc chaque jour des milliers de pèlerins qui venaient le voir dans la jungle. Et là, il a vomi un sandwich. C'est de la mytho. Voilà, des milliers de pèlerins qui venaient le voir dans la jungle, donc, et beaucoup le considéraient comme le nouveau Bouddha. Parce que moi, attends, avant que tu termines ton anecdote sur le nouveau Bouddha, justement, ce que j'ai appris là en écoutant les infos dernièrement, c'est qu'en fait, la nuit, il se mettait quand même une couverture devant. Mais on le voyait pas la nuit. Mais pourquoi faire, justement, déjà, tu sais, il fait noir, il a pas besoin spécialement d'avoir une couverture devant pour se cacher, donc à mon avis, quand il y avait la couverture, il devait boire, il devait manger. C'est proche, le cacher derrière un voile, effectivement, bon, soi-disant pour le protéger des badauds, en réalité, c'est vrai que la journée, il a pas besoin d'être protégé, c'est que la nuit qu'il a besoin d'être protégé. On a un gamin de 15 ans, qui prétend, enfin non, lui prétend rien du tout, c'est ses proches qui prétendent, puisque lui il est censé méditer sans broncher, c'est vrai que lui, lui il dit rien, sans boire ni manger, le mais pauvre. Comme par hasard, effectivement, le soir il est caché par un voile, donc c'est vrai qu'on peut. C'est pour le protéger. Mais la news de cette semaine, c'est que l'enfant Bouddha, il a disparu. Non. He disappeared. Il a disparu avec ses proches. On les a retrouvés dans un fast-food. J'en peux plus. Et donc, certains témoins prétendent l'avoir vu partir vers le sud. Après 11h, c'est fini. Pendant la nuit. Et donc, la police le cherche de partout. Il y a eu des battues organisées dans la jungle pour retrouver donc Ram Bhajan, puisque c'est son nom. Et donc, ils l'ont toujours pas retrouvé. Il a disparu, on sait pas pourquoi, ah, mais on sait pas où il est. Mais en tout cas, c'est vrai que ça met le pays en émoi, puisque c'est devenu un véritable entre guillemets, objet de culte, on va dire. À mort. Est-ce qu'ils ont regardé derrière le voile? Parce qu'on a oublié d'enlever le voile, tellement. Parce que la vérité est derrière le rideau. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Bataille et Fontaine. Merci beaucoup. Bravo, c'est la plus belle de la fin. Référence. Et donc, voilà. Ouais, le Bouddha a disparu. Ça, on peut vraiment se demander. C'est très très intriguant. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être qu'il pouvait plus assumer le canular. Oui, apparemment, toujours d'après des sources sûres sur place, genre ils lui ont parlé, ils savent pourquoi il est parti. C'est parce que pour lui, ça devait pas être médiatique ce qu'il faisait. Il était vraiment là pour se recueillir. Et le fait qu'il y ait des milliers de personnes comme ça qui passent tous les jours, ça l'empêchait de méditer, etc. Et ça l'éloignait de son objectif. Et peut-être que c'est la véritable réincarnation de Bouddha et qu'il n'a pas mangé depuis quasiment un an, mais qu'il en avait marre des badauds. Ben ouais, peut-être. Pas. Ouais. Et là, on aurait été bien con de se moquer de lui, tu vois. On aurait été bien. Et là, quand Bouddha viendra nous taper sur les doigts, hein. Parce que Bouddha il mangeait pas, mais il était quand même un peu rondouillé. Ah si, mais Bouddha mangeait, hein, c'est ça le truc. Bouddha mangeait. Alors pourquoi Little Bouddha lui il doit ne pas manger? Parce que c'est son trip, Little Bouddha, et c'est les gens qui ont vu ça et qui se sont dit, ah le nouveau Bouddha lui il a rien demandé à la base. Hein. Alors, juste ce qu'elle l'ancien d'un Bouddha moins con il a fait, vous allez voir moi tout ce que je peux manger en une minute, c'est un truc de ouf. Mais Bouddha c'était le premier à dire, mais moi je suis un mec normal. Bah oui, c'est vrai. C'est ses adeptes qui l'ont divinisé. C'est pas faux. Voilà. En tout cas, voilà, on en sera plus dans les semaines qui suivent, et peut-être qu'ils vont le trouver dans la jungle. Pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé, pourtant il y a eu des battues, et donc c'est quand même assez étrange. Alors, l'affaire d'après se déroule en Californie, et alors vous allez voir une histoire assez étonnante, comme toutes les histoires, bien évidemment, de cette émission. Un Californien qui a volé une voiture, et qui a ensuite percuté de plein fouet un camion UPS... Donc de livraison, si de livraison, de livraison, et qui a tué sur le coup le conducteur du camion en question. Et son procès avait lieu donc lundi dans une cour du Nevada. Alors cet homme s'appelle Scott Krause et la défense explique qu'en fait Scott pensait qu'il était poursuivi par des hommes mangeurs de chair humaine qui venaient du sous-sol. Ça c'est une bonne défense. Voilà. Donc c'est la défense de l'avocat. Mon client pensait qu'il était poursuivi par des hommes venus de sous la terre pour le manger. Ah, et c'est authentique, mais c'est vrai. Ah, ok, c'est bon. Bah alors toutes les c'est vrai. C'était où? Toutes les charges seront. Alors monsieur. Bon, il a été condamné donc pour carjacking. Ouais, parce bien qu'il sûr. Il a volé une voiture. Connerie. Il a volé une voiture donc soi-disant pour échapper aux autodéfense. Hommes, aux mangeurs d'hommes. Enfin, autosurvie. Il a percuté le camion. Il a tué un homme sur le coup. Mais parce que le conducteur du PS était un mangeur d'hommes, je crois aussi. Et alors, toujours par rapport à la défense, donc, il avait peur d'être envoyé en Chine par cargo pour être mangé. Voilà. Donc c'est sûrement la défense la plus extrême non, de cette année. Parce que là-bas, ils mangent. Et ah oui. Et alors donc, il a précisé aussi que les hommes qui le poursuivaient étaient appelés des émadrones. C'est-à-dire qu'il s'est fait tout un film, c'est énorme comme truc. J'étais taré. Et alors bon, parce que avant il leur a parlé, les gars, ils ont fait, nous on est les émadromes, on va te bouffer, et tout. Ah, ok, c'est voilà. Cool. T'as l'air bien grassouillé. La conséquence de tout ça, c'est que bien évidemment, il a été reconnu non responsable de ses actes. Il est fort. Il a plaidé. Enfin, la défense a plaidé non coupable. Lui-même a plaidé non coupable, et donc il va sûrement être interné. Et peut-être qu'il sera poursuivi par des émadromes. Et ben j'espère qu'il est réellement fou, parce que se faire interner quand on l'est pas, ça doit être chaud. Et si ça se trouve, parce que c'est tout à fait le genre de pitch qui peut débuter un épisode d'X-Files d'ailleurs, si ça se trouve il y avait vraiment des créatures venues de sous la terre pour le manger, et on ne le saura jamais, et nous, cet homme passera pour un fou. Tellement qu'on n'est pas ouvert d'esprit. Ben ouais, on n'est pas ouvert d'esprit, et oui, on pense pas que le supernaturel peut exister. Voilà, si ça en se trouve, on était poursuivi par des méfiez-vous des livreurs maintenant. Et surtout des émadrones. Aussi. Alors, les vrais enfoirés de la semaine. Je vais te manger. À côté desquels notre autrichien qui piquait dans les poches des malades fait figure d'enfant de cœur. Alors là, c'est vrai. C'est une des histoires les plus dégueulasses que j'ai eu à raconter dans cette émission. Ah bah, ça se passe au Kazakhstan. Attends, je coupe le tapis. Vas-y. Alors ça se passe au Kazakhstan. Et alors donc, si vous êtes claustrophobe ou que vous avez tendance à avoir des cauchemars facilement, n'écoutez pas cette news. Puisque donc, ce sont deux cambrioleurs, deux voleurs qui se sont introduits dans un salon funéraire, donc dans un magasin de pompes funèbres, et il y avait un employé dans le salon qui était seul. Il était tard le soir, il était seul. Ils ont tabassé l'employé jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes. Ouais, ils lui ont explosé la gueule et là, ils l'ont enfermé dans un cercueil qu'ils ont refermé avec des clous. Ils ont fait la caisse, ils ont pris tout l'argent qu'ils ont pu trouver, donc il y en avait pour 23 000 $, et ils ont laissé le mec inconscient dans son cercueil, qui a dû donc se réveiller enfermé dans un cercueil et qui a sûrement dû devenir fou parce qu'il a dû croire qu'il y resterait jusqu'à sa mort dans ce cercueil là et finalement il a été sauvé par la femme du conducteur du corbillard de la boutique qui a donc entendu hurler et frapper contre ce cercueil là et donc imaginez un petit peu à quel point les deux mecs étaient cruels et immondes pour déjà massacrer ce mec alors qu'ils auraient très bien pu simplement le tenir en joue et lui dire reste là pendant qu'on pique la caisse, quoi. Non, ils l'ont massacré et en plus ils l'ont enfermé dans un cercueil. Enfin voilà, les deux. Ah, ils l'ont pas mis dans un trou, ça aurait pu être pire. Ah là, ça aurait été la totale. Ils ont pas eu le temps, mais un vu. Un trou de 60 cm. Vu les scrupules des deux enflures, s'il y avait eu possibilité de le foutre dans un trou, je pense qu'il l'aurait fait. Et donc ça s'est passé ça au Kazakhstan, voilà. Et les mecs n'ont pas été rattrapés, ils sont partis avec 23 000 $. Voilà la pire histoire de la semaine, c'est vraiment dégueulasse. T'es donc ah oui, là vraiment c'est chaud, c'est quand même assez tendu. Et on va finir là-dessus. Donc toi t'es un petit peu claustrophobe si je comprends. Moi je suis pas particulièrement claustrophobe, mais j'imagine que si les claustrophobes entendent cette nouvelle, il y a de quoi tomber dans les pommes. Parce que imaginez-vous inconscient, je sais que pour les claustrophobes c'est le pire des supplices quoi. Vraiment tu peux pas pour faire n'importe qui. Ouais mais moi disons ça me fait dans le cercueil, hein. Moi ça me fait pas peur de l'imaginer, ça me ferait peur une fois dedans. Mais je sais qu'un claustrophobe rien que de lui en parler il arrive même pas le concevoir. Pour n'importe qui il peut pas y avoir pire que ça, se retrouver enfermé. Ah non ça il peut pas y avoir. Et clous surtout imagine que il est en train d'imaginer qu'autant il est en terre. Il peut tout imaginer. Ah non, autant il est dans tomber. Terre. Il peut se dire si. Ça par contre, ça. Mais à sa place, je flippe. Regarde un petit là, peu. Il peut se dire si ça se trouve, les gens ont cru que j'étais mort, ils m'ont enterré. Oui. Si ça se trouve, je sortirai jamais. Enfin, il a pu tout se dire. En plus, il devait souffrir parce qu'il avait les hématomes des coups. Enfin voilà, l'histoire la plus trash de la semaine, c'était celle-là. Il devait avoir du mal à respirer et tout, quoi. Pour s'égayer un petit peu, avant de retrouver les 10 rocks juste après nous. Avant de retrouver les 10 rocks, on va se finir en musique très tranquillement, très gentiment. Voilà, pour faire plaisir. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un exocète tout nouveau, tout beau, qui a priori aura pour thème les complots, les conspirations numéro 2. Conspiration il va y avoir tout. Du gros dossier. Ça va être du gros dossier. Ah, je vais encore être parano pendant une semaine. Ah là, ça va être du très bon. Ah, voilà, la dernière fois, j'ai fait super gaffe et tout dans les ascenseurs et tout. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, bonne soirée sur Age, prenez garde aux émadrones, restez avec nous pour les D-Rock.